divertissant. Vous êtes dans la zone 89.1. Le pilote d'aujourd'hui, assemblage requis. Marie-Laurence Audet viendra nous parler de divertissement dans le loisir bien plus qu'un jeu. Et l'argent soulagera nos envies dans la chronique de gadgets, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui. On est en direct du studio de C'est fou à Trois-Rivières en ce mercredi 3 décembre 2014. Journée sous la neige, mais vraiment. Tu sais, il y a des jours cette semaine, les semaines passées où c'était frusquet. Là, on est ensevelis. Et c'est le fun. C'est beau, mais c'est un petit peu chiant. Fait que préparez-vous pour ça. J'espère que vous avez trouvé des bottes parce que moi, c'est pas trouvable la grandeur de pied que j'ai. Je me plains de même, mais c'est plate. Aujourd'hui, l'émission, on va avoir Marie-Laurence Audet, sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Ça, c'est à 8h30. On parle toujours de tout ce qui est loisir, culture, tourisme avec elle. Autour de ça, ben, Colin, ça va être moi pas mal avec Sex, mais ça devrait pas être là qu'on va faire en deux blocs à 8h et à 9h. Donc, plein de gadgets à acheter. Il reste encore un petit peu de temps pour Noël. On va finir par faire le tour des cadeaux à faire à ceux qui ont déjà tout, hein, parce que c'est des gadgets complètement inutiles. On va débuter dans quelques instants avec un petit bloc de son foutu palmarès, donc des listes sur des sujets bien choisis. Et pour commencer l'émission d'aujourd'hui, je pense que j'y suis allé un petit peu alimentaire, avec comment les nourritures qu'on connaît, les snacks préférés des Québécois et Américains, des Nord-Américains au moins, sont arrivés en Amérique du Nord. Et 11 céréales à déjeuner basées sur des émissions de télé. Des céréales qui ont été oubliées, ça va être tout à l'heure, dans son foutu palmarès. Mais pour l'instant, en musique, on écoute Dumas et une nouvelle entrée du palmarès francophone sur son album qui se nomme aussi Dumas. Voici Vaudou. C'est fou. C'est fou, Lou. Pensez-vous en deux Ouais, je la ressens, cette pièce-là. Je la comprends. Elle fit. Dumas et Vaudou à Assemblage Requis. Ça commence doucement. Maintenant, on va lister une série de choses sur un sujet précis. Voici son foutu palmarès. Là. C'est la chronique où on établit une liste sur un sujet précis comme, disons, 10 nourritures classiques, comment est-ce que se sont rendues jusqu'en Amérique du Nord. C'est ce qu'on veut savoir, des collations entre autres, mais aussi des légumes, des trucs comme ça. Donc des nourritures finalement. Commençons avec le popcorn. Ça a plus de 4000 ans, allô? Hello, qui êtes-vous? 4000 ans. Donc, les premiers grains de popcorn qui ont été découverts dans une cave à chauve-souris au Mexique, qui était occupée par des Indiens de la place, les Cookies Indians. Donc, faire éclater son maïs, c'était commun chez les Américains natifs, donc les Native Americans, les Amérindiens, comme on les appellerait des fois ici. Donc, les miettes ont été découvertes dans des tombes péruviennes. Et on a aussi découvert que les Aztèques utilisaient ça pour décorer leurs colliers. Plus dans le nord, si on veut, les colons sont tombés sur cette collation-là au premier Thanksgiving de Plymouth, où le frère du chef en avait dans son sac, qui était fait en peau d'orignal, je crois. Voilà. Ensuite, la gomme à mâcher. Mâcher pour faire de l'activité physique, si on veut, pour avoir du plaisir. Ça a commencé à être à la mode chez les colons. Quand ils ont vu les Amérindiens mâcher ça sur cette résine d'arbre. Au 19e siècle, les Américains mâchaient de la cire de paraffine, qui aujourd'hui est utilisée dans les chandelles et dans les crayons de cire. Mais la gomme telle qu'on la connaît date de l'époque des Mayas, qui eux mâchaient du latex sapodilla, qu'on appelait du chicle. Voilà, C-H-I-C-L-E. Ce qui est arrivé aux États-Unis via Staten Island, alors que le général mexicain Antonio López de Santa Anna, en 1869, a amené ça avec lui. Il essaie de vendre ça comme pour remplacer les pneus de caoutchouc. C'est ça? Oui. Oui, exactement. Donc, un homme d'affaires nommé Thomas Adam a réalisé que ça avait le potentiel d'être un petit peu plus amusant. Donc, il a inventé la chiclette. Ça vient de donc chicler. C-H-I-C-L-E. Les patates, ensuite, les pommes de terre qui ont été domestiquées au Pérou il y a environ 7000 ans. Donc, les explorateurs espagnols en 1536 ont amené ça au continent américain. Croyaient que c'était une sorte de truffe. Oui. Donc, les espions britanniques disaient que les pommes de terre étaient une super nourriture. Voilà, ils ont amené ça en Angleterre. Mais là-bas, on était très sceptiques. Étant donné que ça poussait en dessous de la terre et donc c'était satanique selon eux. Ils ont envoyé ça en Irlande et pendant ce temps-là, plus au sud, les Français aimaient tellement ça que Marie-Antoinette mettait des... c'est quoi ça? Des je sais pas ce que c'est, des potato blossoms dans ses cheveux. On va aller chercher ça, potato blossoms. Hein? Comme un gars qui est tout seul le matin et puis qui sait pas trop ce qu'il fait. Genre. Ça va être la fin. Personne m'aide. Attention. Bon, c'est ça, c'est une genre de fleur. Ça, c'est une sorte de fleur. En tout cas, sur Google Images, ça me montre des fleurs roses et blanches. Et c'est super joli. Voilà. Ensuite, les tomates qui ont débuté. Caroline, que je suis trop mauvais en anglais aujourd'hui. J'ai aucune capacité à traduire à rien. Désolé. Donc, on croyait que c'était empoisonné, mais c'était seulement des décorations pendant plusieurs décennies. Les aristocrates disaient que c'était des pommes empoisonnées, les tomates. Mais ça a changé quand les Britanniques les ont amenés dans les Carolines, donc les États de la Caroline du Nord et du Sud, aux États-Unis dans les années 1700. Voilà, ça a débuté dans les années 1500, les tomates. Parce qu'il y a tellement de sortes de façons d'appeler les gens que j'ai aucune idée c'est quoi en France. Les moines ont fabriqué les premiers bretzels. Ça pourrait être soit dans le nord de l'Italie ou encore en Allemagne vers les 600. L'année 600, c'est ça? Donc, on amenait la pâte, des bouts de pâte, on les tordait, on montrait, dans le fond, on essayait de copier l'image des bras en forme de prière. On donnait ça aux enfants qui réussissaient à retenir les passages de la Bible. Étant donné que l'Église catholique avait banni les œufs et le pain, Donc pendant une certaine un certain bout de l'année, évidemment, il y a plein d'affaires. J'ai aucune capacité à traduire ce live à matin. Du tout. C'est un peu. C'était pendant le. Je le trouve pas. Le lent. Bref. Donc, le brésil est devenu une collation populaire et ça a fait son chemin jusqu'en Autriche et en Belgique. Et au début des années 1700, les immigrants allemands ont amené les brésils en Pennsylvanie. Aujourd'hui, on produit 80% des brésils des États-Unis là-bas, en Pennsylvanie. Ensuite, le café qui a été cultivé et échangé dans la péninsule arabe, près de la Turquie et de la Syrie. Le secret est sorti en 1615, lorsque les Européens se sont... aventurer à un autre endroit et ont ramené la boisson là-bas. Le clergé insistait que c'était une invention de Satan. Mais le pape de l'époque en a essayé, il a dit que c'était paradisiaque. Ça s'est éparpillé un petit peu partout en Europe et au milieu des années 1600 à Londres, il y avait plus de 300 petits cafés. Si on parle de café, des endroits. Là. Les immigrants hollandais ont amené ça à New York. Le thé est resté le breuvage chaud préféré des États-Unis depuis jusqu'en 1773. Et puis après ça, ben, on s'est révolté contre les tarifs, le prix du thé britannique en buvant donc ce café. Le thé était le breuvage chaud des États-Unis jusqu'en 1773 où on s'est révolté contre le thé et commencé à boire du café. Les pommes qui ont débuté dans l'est de la Turquie après avoir exploré le Kazakhstan au 4e siècle avant J.C. Lauzon. Alexandre le Grand a introduit, présenté, a amené pour la première fois les pommes en Macédonie? Est-ce qu'on dit Macédonie? Ouais. Donc les Romains ont vu ça et ont commencé à comment dire, faire des croisements pour faire les sortes de pommes qu'on connaît aujourd'hui, si je comprends bien. Et la crème glacée, ensuite, les Chinois ont commencé à faire ce... Attends un peu. Oui, donc eux, ils transportaient un mélange de riz et de lait dans de la neige il y a 2200 ans. Marco Polo a amené le sorbet chinois en Italie avec l'idée de faire congeler... ces choses-là, ça s'est rendu jusqu'en France et en 1744, c'était arrivé aux colonies américaines où les glacières, si on veut, ont rendu plus populaire. Voilà. Et à l'origine, finalement, le ketchup ne contenait pas de tomates du tout. La première itération était faite à partir, OK, je vais... ouais. Je m'excuse, je connais absolument pas les mots, fait que j'arrête là. Je veux pas vous emmerder avec des histoires que je suis pas sûr de comment les dire, fait que j'arrête là. Ce sera la pire chronique de son petit pavarage qu'on aura fait jusqu'à maintenant. Je vais essayer d'en faire une meilleure la prochaine fois. Ça vous va-tu, ça? On va faire comme si ça avait jamais lieu. Donc, tout à l'heure, on va continuer avec d'autres trucs, sûrement plus de gadgets dans Sex, mais ça devrait répondre là, parce que je me sens pas confortable avec ces sujets-là. Mais on va écouter une autre pièce pour commencer, pour continuer en fait. C'est une suggestion de Stéphanie Paradis dans la chronique Le Poste d'écoute le jeudi passé. Elle nous a présenté le groupe Until the Ribbon Breaks sur leur album qui porte le même nom. Voici A Taste of Silver. Tout de suite, 89.1 FM. Je m'en excuse encore. Désolé. Oh, Until the Ribbon Breaks par Otis avec Otis of Silver, oui, exactement. Assemblage Requis. Ouf. Ah, hey. Merci d'être resté là pour cette deuxième partie de Son Foutu Palmarès. Je l'apprécie énormément. Donc, Son Foutu Palmarès qui continue avec une liste, cette fois-ci, de sortes de céréales qui ont été inspirées par des émissions de télé qui n'existent plus. Ou en tout cas, au moins, des céréales elles-mêmes qui n'existent plus. Par exemple, commençons par la première. C'était super populaire de faire des céréales avec des émissions de télé dans les années 90, entre autres. Donc, les Urkel O's, pour commencer. Family Matters, une sitcom avec Urkel. C'est le petit gars avec des pantalons avec genre des bretelles puis qui était super nerdy avec des grosses lunettes. Là. Donc, Family Matters était très populaire sur ABC. Et la Steve Urkel Mania était partout au pays. Le voisin est bien connu avec ses petites phrases accrocheuses comme « Did I do that? » est devenu un phénomène de la culture populaire. Donc, il y avait une danse à son nom, il y avait des boîtes à lunch pour les enfants. Donc, ABC, créé un partenariat avec un manufacturier, une compagnie de céréales, Ralston Foods, pour présenter les Urkel O's dans les supermarchés américains en 1991. C'était des céréales en rond, donc tout ce qui est plus classique, mais à saveur de fraises et bananes, une de mes saveurs préférées à moi. Il y avait des petits prix à l'intérieur. Donc, il y avait des boutons, des macarons. Urkel for President. Hein? Et t'avais aussi des petits jeux, genre des labyrinthes. Aider Urkel à trouver Laura dans sa boîte de céréales. Donc, on va, je pense, se gâter en écoutant la publicité télé. Tiens, pourquoi pas pour les Urkel O's. Urkel qui arrive dans un restaurant. Chez Urkel, j'ai écrit quelque chose qui va vous... qui va vous impressionner. Oh, est-ce que j'ai fait ça, sa catchphrase? Là, évidemment, il fait la petite danse avec les enfants. Ah non. Et les enfants adorent, ils disent nous sommes des Urkel Hit avec des Urkel O's. Je sais que c'est le nom des fans. Ah. Les Urkel O's font partie de déjeuner complet. C'est affreux ça. C'est vraiment juste pour être populaire. On sait que c'est la danse principalement, puis sa phrase accrocheuse, son accroche ou son sa phrase clé comme on dit. Les années 80 qui ont été dominées aussi par, avant Family Matters, il y avait dans les années 80 Mr. T, Lawrence et Mr. T. Turo. Vous connaissez, il y a même une émission de vidéos du web en ce moment qui joue sûrement à Musique Plus, quelque chose comme ça. Donc après avoir été la vedette de l'émission The A-Team et son propre dessin animé des années 80, donc le samedi matin, Quaker Oats a sorti les céréales Mr. T en 1984, un grand succès avec les enfants. Ça a même fait une apparition dans le film Pee-wee's Big Adventure en 1985. On écoute ça. Donc c'est Mr. T, le dessin animé qui fait la publicité. Les céréales sont en forme de T. Des enfants avec un T sur leur chandail qui atterrissent du ciel. On met du lait sur les céréales en forme de T. Mr. T donne des high-fives et des top-là à tout le monde. Une seule bouchée, vous allez manger avec le T. Wow! Celui-là, je me demande si... OK. C'est les Rainbow Brights, basés sur le dessin animé des années 80. Oui, c'est ça. L'émission de télé du samedi matin de la part de Hallmark Cards, l'émission de télé. Ralston a présenté les céréales Rainbow Bright Sweetened Cereal en 1985 avec des saveurs de fruits naturels et des concours comme des cerfs-volants de Rainbow Bright, des autocollants et des petits bracelets. C'est charmant tout ça. Lucky! Rainbow Bright has a new cereal with fruit flavor and bright wow, colors! Wow! Rainbow Bright a une nouvelle sorte de céréales avec des couleurs brillantes et des saveurs naturelles! Un arc-en-ciel de couleurs! Et ça fait partie de déjeuner complet! Ah, donc les ennemis envoient un gros nuage noir de saleté ou quelque chose comme ça et eux ils transforment ça en arc-en-ciel avec Rainbow Bright Cereals! Rainbow Bright! Ah, que c'est donc une voix gossante, ça! C'est donc bien beau! Ensuite, les Schtroumpfs, bien sûr, après la bande dessinée, évidemment, belge et le dessin animé qui s'est rendu aux États-Unis, les Schtroumpfs, les Smurfs, sont devenus un phénomène de la culture populaire dans le début des années 80. Donc, Hanna-Barbera Productions a créé un dessin animé du samedi matin pour NBC mettant en vedette les Schtroumpfs en 1981, alors que la compagnie de céréales Post Foods a commencé l'invasion dans les épiceries. Avec les Smurfs Berry Crunch en 1983, Post a ramené l'équipe en 1987 avec les Smurfs Magic Berries. C'était la même céréale avec un autre emballage et des guimauves. Ah ben là, les guimauves. C'est sûr que c'est bien les guimauves. On est chez Schtroumpfs, bien sûr. On dit récompensons telle personne avec des céréales au lit. Ils sont dans une usine où ils font les boîtes de céréales. Les Schtroumpfs traient une vache et le gars se fait juquer dans la face avec du liquide blast. Quand on arrive, c'est le papa Schtroumpf qui se fait surprendre. Mes préférés. Une partie une partie berry crunch, genre ils ont fait un jeu de mots avec berry, avec des bêtes. C'est cute. Bien sûr, les pierres à feu ont aussi leur céréales. Il y en a encore aujourd'hui. Vous avez tous vu les Fruity Pebbles et autres trucs dans les épiceries. Mais donc, c'est ça. Présentement, Post a des céréales, des Flintstones. C'est Fruity Pebbles et Cocoa Pebbles. Voilà. Ils ont même eu les Dino Pebbles à la fin des années 80. La céréale était simplement la même chose que Fruity Pebbles, avec des guimauves en forme de dinosaures, des palmiers et des planches de surf. Les Dino Pebbles ne se vendaient pas aussi bien que les Fruity et les Cocoa. Donc, Post a discontinué la marque au début des années 90. Écoutons la publicité de Dino Pebble. Une nouvelle céréale Dino Pebbles. Là, on voit Dino sur un skate. Non, en patin à roulis, pardon. Voilà, la même attitude que Dino dans des céréales. C'est des petits dinosaures rouges, roses et verts. Dino saute sur Fred, Arthur attrape le bol, Dino se met à lécher Fred, Arthur mange évidemment les céréales. Et ça fait partie de ce déjeuner nutritif. Et Dino fait un clin d'œil sur fond fluorescent des années 80, j'imagine, 80, fin 80, début 90. Les Tortues Ninja ont aussi eu leur propre sorte de céréales. C'est en 1989 que Ralston, encore une fois Ralston, a présenté pour la première fois les Teenage Mutant Ninja Turtles Cereal pour évidemment encaisser sur le succès et la popularité du dessin animé qui passait aux heures du retour de l'école. Dans les céréales, il y avait ce qu'on appelait des Ninja Nets, qui étaient vraiment juste pareil comme les Chex au riz, là, les Rice Chex, mais un petit peu plus sucrés, et des guimauves en forme de ninja. Il y avait des prix à l'intérieur de la boîte de céréales, entre autres des pochettes de gélatine verte, il y avait des mini bandes dessinées et un bol de céréales avec la marque de Teenage Mutant Ninja Turtles. Présentement, une boîte pas ouverte de Teenage Mutant Ninja Turtles est vendue pour environ $45 sur eBay. Ah, les enfants, putain, c'est rien! Il y a un méchant qui arrive. Ah, j'en veux! Et là, ils envoient leur filet sur les méchants. Cowbug de nous! Wow, les guimauves de ninja! Ça fait partie de déjeuner équilibré, et ça goûte très bon! Turtle Power! Et on tasse les méchants pour pas qu'ils volent les céréales. Hey, je te dis que tu penses à rien lancer. Dans ces annonces de céréales, c'est tout le temps la même chose. Les Transformers, eux, n'ont malheureusement pas la publicité vidéo, donc on n'aura pas à la regarder, mais le slogan était « More taste than meets the eye ». Vous savez, c'est « More than meets the eye », plus qu'on pourrait penser. Genre, c'est le slogan des Transformers, alors plus de goût qu'on pourrait penser. Ralston a complètement laissé tomber les céréales Transformers avant de commencer à les produire dans le milieu des années 80. La céréale voulait encore une fois faire de l'argent sur le succès du dessin animé des années... les années 80, le samedi matin. C'est une ligne de jouets populaire pour Hasbro. La céréale avait la capacité... La céréale était au chocolat. Donc, avait la capacité de se transformer, de transformer du lait ordinaire en lait au chocolat. Hein? C'est pas incroyable, comme les céréales Reese's et pas que d'autres qui ont encore aujourd'hui. Donc, on croit que Ralston a arrêté cette céréale Transformers parce que les ventes de jouets étaient en chute libre à ce moment-là. Ça s'est jamais rendu jusqu'aux épiceries, mais il y a des boîtes test de cette céréale qui se vendent sur eBay. En tant qu'article de collectionneur, ça peut se ramasser jusqu'à $350, une boîte de céréales Transformers, évidemment, à ne pas manger. Vous connaissez peut-être, dans ce cas-ci, je dis vraiment un gros peut-être, le Green Slime, l'espèce de gelée verte de Nickelodeon. C'était entre autres dans leur logo, ils ont fait plein de sitcoms et plein de dessins animés depuis toujours, en fait, Nickelodeon. Et vous avez peut-être vu dans leur logo à la fin cette slime verte. On n'a pas vu les émissions dans lesquelles il y avait la slime verte, parce que c'était très populaire de faire tomber de la slime sur la tête des gens dans des quiz sur Nickelodeon, donc on n'a peut-être pas la même connaissance. Par contre, j'ai vu qu'au Toys R Us, on vendait des articles promotionnels de Nickelodeon avec de la slime à l'intérieur, donc peut-être que les gens la connaissent, cette slime, à cause de ça. Mais en 2003, Nickelodeon a fait un partenariat avec General Mills pour présenter une édition limitée de cette céréale nommée Green Slime pour faire la promotion des Kids' Choice Awards en 2003. Donc la céréale, c'était des Corn Puffs, un peu la même chose que des Corn Pops, mais en forme de slime, donc en espèce de presque un trèfle. Déformé un peu. Tout ça vert, bien sûr, et avec des guimauves en forme du logo de Nickelodeon. Donc Nickelodeon, c'est comme une genre de tache orange. Donc c'était des guimauves orange, tout simplement. Ensuite, les Tiny Toons Adventures dans les années 90, c'était très populaire, les Tiny Toons. Donc, Quaker Oats a présenté les Tiny Toons Adventures Cereal. C'était des céréales avec des lettres qui épelaient Tiny Toons, un peu comme des alphabets, si on veut. C'est une céréale à faible teneur en sucre. Ça s'est pas vendu aussi bien que ses compétiteurs Kix et Honey Nut Cheerios. Donc, malheureusement, ça a été discontinué. Ensuite, Xena Warrior Princess, oui. Rittenhouse Archives et Sci-Fi Hobby ont présenté Xena Warrior Princess A Taste of Honey Cereal en 2001. Cette céréale d'édition limitée n'était pas disponible en épicerie. C'était plutôt exclusif aux boutiques d'articles de collection et de bandes dessinées. Il y avait trois boîtes différentes avec en vedette Xena, Gabriel et Callisto à l'avant. Et chacune avait des cartes à échanger et des céréales bien sûr à saveur de miel. D'où le nom A Taste of Honey Cereal. J'en reviens pas de cela, ça a même pas l'air d'un vrai produit, mais c'est en effet vrai. Et pour terminer, tiens, les Krusty O's des Simpsons, les Frosted Krusty O's même, on pourrait en rajouter un petit peu plus. Depuis sa première en 89, les Simpsons, c'est évidemment un sitcom qui a duré le plus longtemps de l'histoire de la télévision. L'émission a eu plusieurs mésaventures dans la nourriture, 5 différentes céréales par les années. En 2001, Kellogg's a présenté la sorte Bart Simpson Peanut Butter Chocolate Crunch, ainsi que Homer's Cinnamon Donut Cereals aux États-Unis. Donc, Bart Simpson, c'était donc croquant au chocolat et au beurre d'arachide, et Homer, c'était une céréale au beigne et à la cannelle. Donc, en 2002, la compagnie a sorti Bart Simpson No Problemo en Grande-Bretagne et en Australie. C'était une céréale multigrain, des hauts, évidemment, avec des mini-disques de chocolat. Et Bart Simpson's Eat My Shorts, c'était des céréales multigrains à saveur de sirop d'érable qui étaient présentées dans les supermarchés pour la première fois au Royaume-Uni en 2003. Ensuite, en 2007, Malto Meal a présenté Frosted Krusty O's, vendu exclusivement chez 7-Eleven. C'est une sorte de dépanneur aux États-Unis pour faire la promotion du film des Simpsons et le début de la saison 18. Les 5 céréales ont été introduites avec une sortie limitée de moins d'une année. Mais pour vrai, j'aimerais vraiment goûter à ces sortes de céréales-là parce que ça m'a l'air un petit peu plus original que ce qu'on retrouve d'habitude. Une céréale à saveur de sirop d'érable, tu sais, c'est comme différent un petit peu de juste la saveur d'érable normalement, j'imagine. Et au beigne à la cannelle, tu sais. Cool! Voilà donc pour la liste des céréales à déjeuner inspirées d'émissions de télé oubliées ou encore de céréales oubliées par rapport à des émissions de télé populaires. Les deux fonctionnent très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà pour son foutu palmarès. Ah, ben voilà. Hein, on est rendu à prendre une pause. Hein, une demi-heure de fête, le quart de l'émission, comme ça. Ça avance, on va se rendre jusqu'à la fin. Au retour, ce sera 5 spéciales de réponse là. On a aussi Marie-Laurence Audet et la chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. À Assemblage Rocky jusqu'à 9h30. Restez avec nous. Fou d'exploration. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 96.9. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante et Stéphanie Paradis a toujours congé aujourd'hui. On est mercredi 3 décembre 2014. Alors, quelques instants, on va commencer le bloc 6, mais ça ne devrait pas en là qu'on va faire comme on le fait tous les mercredis pour savoir quoi acheter sur Internet. Noël s'en vient. On a encore un petit peu d'argent, j'espère. Donc, du côté francophone, on va s'entendre une nouvelle entrée. C'est la deuxième et la dernière de ce côté-là. C'est les deux luxes avec une pièce qui se retrouve sur la compilation Pépite et Grenaille volume 1. C'est les mauvais garçons sur C'est fou. 89. Yeah. les mauvais garçons de Les Deux Luxe. Deux, puis Luxe. Les Deux Luxe. Assemblage requis. Hey, ce serait pas un luxe d'acheter un paquet d'affaires qui valent pas la peine d'être acheté, hein? Voici si ça existe, mais ça devrait répondre là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets inutiles trouvés sur Internet. Tu sais, quand vous trouvez votre ruban adhésif, votre tape, trouver le bout du tape, c'est pas quelque chose de bien, bien plaisant. Il y en a qui sont vraiment prévisifs, qui vont faire un petit truc au bout, qui vont fermer le collant sur lui-même pour réussir à retrouver le chemin plus tard. Mais quand tu oublies de le faire ou que ça... des fois, ça arrive, tu le lâches puis tu l'échappes. Donc, il te faut American Science and Surplus. C'est la compagnie qui vous offre The End is Inside. C'est un ruban électrique adhésif qui résout ce problème universel grâce à une ligne double grise qui va faire le tour du rouleau. C'est une ligne en spirale. Donc, elle n'est pas droite tout le long. Donc, tu vas pouvoir facilement retrouver où est le bout parce que les deux courbes de la spirale ne vont pas arriver au même endroit en même temps. Donc, tu vas voir qu'il y a une démarcation entre la ligne qui est en bas d'un côté et en haut de l'autre. Donc, ça va être super facile à trouver. Ça peut aller jusqu'à 221 degrés Fahrenheit, 620 volts. Ça mesure 3 quarts de pouce de large par 66 pieds de longueur. Et ça pourrait vous économiser des journées ou des semaines de temps avec votre ongle tout le tour du ruban adhésif. Si vous utilisez beaucoup de ruban adhésif électrique, bien sûr. Tout ça en paquet de 3 chez American Science et Surplus pour 3,75$. C'est pas cher, ça. 1,25$ par rouleau, ça. Calcul mathématique rapide. Hein. On reste chez les gens qui ont besoin de trucs qui ont rapport avec la construction, la rénovation, les outils, finalement. C'est la Track Belt 360 qui vous permet de faire tourner vos outils autour de votre taille. Il y a un adorable GIF animé, très, très 2015, là. On est revenu à mode des GIFs animés qu'il y avait au milieu des années 90. On dirait que c'est comme revenu à mode récemment, mais bref. Donc, un GIF animé qui vous montre comment la ceinture peut tourner autour de la taille. Dans le fond, la ceinture est comme fixée après un dispositif qui fait que, Colin, le truc tourne autour, c'est attaché après une ceinture spéciale. Donc, la Track Belt 360. À la place d'avoir à bouger votre ceinture au complet autour de votre corps pour accéder aux poches de votre ceinture à outils. Donc c'est présentement sur Kickstarter. Allez-y pour contribuer si vous voulez mettre vos mains sur un de ces gadgets. Il n'y a pas tellement de détails, mais il y a une petite vidéo que normalement je laisserai Steph regarder pour nous l'expliquer, mais j'essaie de l'avancer moi-même, puis évidemment ça marche pas, hein? Mais bon, donc voilà, c'est quand même pas trop compliqué à comprendre. La Track Belt 360 avec rotation à 360 degrés sont à 36 000 sur 35 000, donc ils ont dépassé leur but. Il leur reste encore 53 heures, donc à peine plus de 2 jours, d'après moi, comme ils ont dépassé, ça va sortir éventuellement. Ensuite, quand vous voulez repasser vos vêtements, c'est déjà assez plate de repasser des vêtements, mais perdre en plus de l'espace dans votre appartement pour devoir déplier votre planche à repasser, là c'est dans les jambes. La solution, c'est la Rev Shelf Pull-out Ironing Board. Hein? C'est donc une planche à repasser qui entre à l'intérieur d'un tiroir dans votre cuisine jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Ça se retire, ça se déplie facilement et ensuite ça se replie tout aussi facilement. Le seul désavantage, c'est que vous allez perdre un tiroir, mais on le voit dans les photos ici sur assemblagerequis.com, bien sûr, que ça peut se... que vous pouvez avoir aussi, pour accompagner tout ça, dans votre armoire en tant que telle, une genre de penderie, si on veut, qui se déplie. Donc, la penderie peut... ben, la barre de la penderie peut se replier dans l'armoire. On peut avoir des affaires dans l'armoire. Ensuite, quand on a besoin, on retire les affaires de l'armoire. Ou encore, on met jamais rien dedans et on déplie la barre. Et ensuite, on sort du tiroir la planche à repasser. L'idée est quand même, disons, économique de place. Pour ceux qui ont beaucoup, beaucoup de tiroirs et armoires, bien sûr. Eux, ils le font dans la salle de bain. Donc, c'est dans la vanité qu'on va faire ça. Je pense que c'est sûrement mieux que dans la cuisine, n'est-ce pas? Ensuite, vous faites du kayak et vous trouvez « Colin, j'aimerais donc savoir ce qui se passe dans l'eau en dessous de moi pendant que je suis en kayak. » Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Donc, regardez le vaste... la vaste nature en dessous de votre kayak grâce à ce « see-through kayak ». Bien sûr, c'est fait en polycarbone. Et puis, vous allez pouvoir voir tout ce qui est majestueux en dessous de vous pour 2375$ et 11 cents. Hein? Ensuite, des confettis, c'est le fun. Sauf que là, il faut s'acheter des confettis. Il faut trouver une façon de les lancer subtilement. Non pas juste dans sa main. Je n'ai pas un gun à confettis. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait ça. Mais il y a aussi Une meilleure solution peut-être pour vous, c'est un ballon rempli de confettis. Donc, démarrez votre Fiesta avec un gros éclatement de ballon qui va faire peur à tout le monde. C'est ce Giant Confetti Filled Balloon. Voilà. Donc, on va utiliser ce ballon-là qui a déjà ses confettis à l'intérieur. On va pouvoir, j'imagine, le gonfler par après. Et les confettis vont tomber une fois pétés. 14$ sur assemblagerequis.com. Débarrassez-vous des odeurs déplaisantes, des arômes que vous n'aimez pas dans la vie. Il y a des ingrédients qui vont laisser derrière une senteur, par exemple les oignons, bien sûr. Donc après avoir touché à ces ingrédients-là, comme les oignons ou de l'ail, ça prend seulement quelques secondes de ce savon couleur argentée pour neutraliser l'odeur complètement. Donc je crois que c'est un savon fait en une sorte de métal qui va venir annuler ça. C'est 7,99$. On va aller voir sur Amazon les détails. Donc, frotter cette barre-là va enlever les odeurs de vos mains. Parfait pour les oignons, le poisson, l'ail. 4 pouces de long par 2 pouces et quart de largeur par 1 pouce et demi de hauteur. Parfait pour les bonnes Noël. Ben oui, ben oui. Est-ce que ça dit Rub Away Bar? Ça dit pas c'est fait en quoi. Ça le dit pas. Oui, c'est du stainless steel. Stainless steel, voilà. Il y en a qui demandent pour les odeurs sexuelles aussi dans les commentaires sur Amazon. Donc, allez lire ça si ça vous intéresse. Maintenant, tiens... Pour messieurs, mesdames qui veulent regarder leur apparence dans un miroir et qui n'ont pas de miroir sur eux ou encore des fois oublient leur chargeur à la maison. Maintenant, si vous oubliez votre chargeur mais que vous vous rappelez d'avoir votre miroir ou vous vous rappelez d'avoir votre miroir mais vous l'un ou l'autre, vous oubliez l'un l'autre, combinez les deux ensemble pour être sûr de jamais l'oublier. T'sais, quand vous avez beaucoup d'affaires à transporter, c'est facile d'oublier quelque chose. Donc ici, vous allez transporter votre chargeur et votre miroir en même temps. Combinez les deux ensemble. Un miroir compact et un chargeur USB en un, c'est le Pure Compact Mirror and USB Rechargeable Battery Pack. C'est une campagne sur Kickstarter qui apparemment a l'air d'être une bonne idée parce que le projet a dépassé 137% en date de l'article. Il restait encore 21 jours à ce moment-là. Pearl a deux miroirs, un régulier et un trois fois, là, une loupe avec une lumière LED pour vous aider à mieux voir. La base contient une batterie rechargeable de lithium polymère 3000 mAh. Qui sort 5 volts pour charger les téléphones cellulaires et autres petits gadgets. Le but promet un port 2,1 ampères pour recharger les tablettes aussi. Le Pearl donc mesure 3,5 pouces de diamètre, environ 0,5 pouces d'épaisseur. Pèse juste au-dessus de 4 onces. Ça va être plus léger et prendre moins de place que d'avoir un miroir séparé et une batterie dans votre sac. Pearl est disponible en rouge, en argent et en doré. Là, on va aller voir sur la page, du Kickstarter pour voir si ça s'est rendu jusqu'où. 45 000 sur 30 000, donc ça a dépassé de 15 000. Il reste encore 14 jours. C'est un choix de l'équipe de Kickstarter, vraiment un choix. Sélection. OK. Cool. Sélectionné par Kickstarter, c'est quand même un luxe. Maintenant, une litière connectée. Tout est connecté, on dit à chaque semaine dans cette chronique-ci. Mais oui, tout est connecté. La litière maintenant l'est aussi. Et va pouvoir vous dire si votre chat est en santé. Vous savez que les chats sont des machines à dormir et à faire ses besoins numéro 2. C'est comme ça qu'ils ont été créés, apparemment. Donc, malgré leur utilité limitée, nous dit Ogizmo.com, c'est pas mes paroles, on les aime et on veut s'assurer qu'ils restent en santé. Donc, une compagnie de San Diego nommée Pet Wireless a créé le Tailio, qui est une litière connectée. Après avoir connecté votre système Wi-Fi, la balance à l'intérieur va commencer à retenir non seulement le poids de votre chat alors qu'il est en train de faire ses affaires, mais aussi le poids de son besoin, de ses besoins, les deux, le numéro 1 et le numéro 2. Donc un félin en santé va rester à un poids constant. Même chose pour ses excréments, alors que les fluctuations pourraient indiquer un problème de santé. Tailio va même envoyer les données dans le nuage, où on va pouvoir l'analyser et communiquer en fait son état de santé. En plus de chercher les problèmes de santé possibles, vous allez pouvoir utiliser Tailio pour connaître si votre chat a grandi quand il est jeune, donc sa vitesse d'évolution, si on veut, et savoir si c'est efficace, si mettons il y avait un problème de poids, et que votre vétérinaire a conseillé des méthodes pour perdre du poids. Donc peut-être que vous allez voir aussi la descente de son poids. Si vous êtes amoureux des chats et des données aussi, 99$ pour avoir votre propre Tailio, T-A-I-L-I-O, le lien est sur assemblagerequis.com. Des fois, quand vous aimez pas votre voisin, ou peu importe, ça peut être absolument n'importe qui dans votre vie, vous avez envie de lui envoyer un gros sac d'excréments de chat peut-être, hein? Et vous aimez pas avoir à payer quelqu'un pour lui envoyer son excrément par la poste. Hein? Bon, maintenant, il y a un service qui s'appelle Shit Express. Et pour 17$, eux, ils vont envoyer, en fait, sans que vous ayez à y penser, un contenant en plastique de caca de cheval à votre pire ennemi avec le message suivant. Voilà, vous avez reçu de la merde de cheval. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Pour commencer, pensez à vous-même. Quelqu'un vous l'a envoyé probablement parce que vous les avez blessés ou insultés, consciemment ou inconsciemment. Respirez profondément. Rien de mal n'est arrivé jusqu'à maintenant, mais vous devriez essayer d'être une meilleure personne. Évidemment, dans un bol de plastique, c'est un petit peu moins efficace que dans un sac brun, je trouve, mais quand même, ça s'appelle Shit Express et ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Hein? C'est rare que j'insère le titre de la chronique dans la chronique. 17$, c'est le prix. Ensuite, des meubles pour enfants, qui j'aurais bien aimé pouvoir le dire à Steph, parce que ça l'aurait intéressé, mais c'est un meuble pour enfants qui fonctionne comme chaise haute, comme petit banc, pour se monter un petit peu au comptoir, mettons, et une glissade. Donc c'est la Step Up High Chair, inventée par Raphaël Kolenko de Up We Go. Alors c'est pas une chaise haute habituelle, c'est aussi un petit banc et une glissade, une glissoire. Donc c'est un meuble innovateur qui est fait pour suivre le développement naturel d'un enfant, comme assez bien. Évidemment, on n'aurait pas envie de vieillir trop, parce qu'à un moment donné on pourra plus l'utiliser. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça pour tous les jouets pour enfants. Si vous voulez en acheter une, vous pouvez vous inscrire à une liste d'envoi sur assemblagerequis.com. Ils vont vous avertir aussitôt qu'ils vont avoir lancé leur campagne Kickstarter. Ensuite, c'est l'hiver, vous le savez. C'est l'hiver, on a besoin des fois de trucs pour s'en sortir. Hein? C'est bien beau, t'as acheté tes bottes. T'as essayé de trouver des bottes, t'en as pas trouvé. T'as acheté tes mitaines. Hein? T'as-tu ton foulard? Mais as-tu ta pelle? Hein? C'est la pelle qui est en fait une pelle, une brosse, un balai à voiture et un gratte-vitre. Tout ça en même temps. Peu importe les dégâts que la nature vous envoie, Zeus, de la compagnie Quirky, on en parle très très souvent, c'est une de mes compagnies préférées en termes d'innovation, Quirky, Q-U-U-R-K-Y. C'est donc un multi-outil qui combine, comme je disais, une pelle, un balai et un gratte-vite tout en un. Pour les grandes bordées de neige, c'est ça, et puis la poignée est aussi un, comment dire, un emergency reflector? Un truc pour alerter les conducteurs sur la route que vous avez vraiment un problème. Donc, vous allez pouvoir lui faire signe avec votre pelle aussi. Donc, pour vous libérer complètement le cerveau de tout stress, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour au moins déblayer la neige et tout ça. Voilà. Ouais, c'est tout pour ça. Ensuite, ça, c'est quand même cute. C'est un bijou pour votre tendre, douce moitié qui est à l'intérieur d'une huître. Donc c'est une huître que vous allez acheter pour 90$ et à l'intérieur il y a une jolie petite pierre, une perle disponible en rose, en blanc ou en mauve. Donc la personne va pouvoir voir et récolter cette perle-là. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer avec sa vraie. Peut-être la mettre sur un collier parce qu'elle a l'air d'avoir un trou dedans. Mais donc 90$, ça fait cute, ça fait romantique tout en étant gluant et adorant. Ensuite, est-ce que vous avez déjà voulu frapper très très fort sur votre clavier en tapant un courriel de frustration? Ah ben arrêtez, pas besoin de gâcher vos appareils électroniques, vous pouvez littéralement frapper un courriel avec le Number 51 Workout Computer d'une compagnie et d'une firme de design allemande, Bless. Donc c'est des punching bags et chaque punching bag est une lettre différente de l'alphabet, tout ça connecté à un seul ordinateur, vous avez qu'à frapper sur les sacs un à la fois pour taper. Vous pouvez voir la démonstration dans la vidéo, un petit peu surréaliste, peut-être même avant-garde, évidemment. On ne sait pas comment ils ont placé tout ça, comment ils ont inventé tout ça, mais la vidéo nous explique un petit peu le processus. C'est sûr qu'on ne peut pas acheter cette affaire-là, mais on peut peut-être les visiter. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Vous voulez tenir votre téléphone bien chargé? On a parlé d'un chargeur tantôt. On reste dans le même domaine, mais cette fois-ci, on veut aussi humidifier son visage, sa figure, hein, ou sa fusage, ou son vigueur, comme vous le voulez. Donc, humidifier. On a besoin de ça des fois, alors que l'hiver commence, c'est sec, l'air froid est dur sur la peau. Les gens ne quittent pas la maison sans leur téléphone, bien sûr, mais donc Tenko nous arrive avec une batterie mobile, qui est une solution intelligente pour les deux problèmes. Donc en plus d'être du courant portatif, une source de courant portatif, c'est aussi un spray inclus qui va garder la peau sèche au loin. Donc la batterie elle-même est 2200 mAh, qui devrait être assez pour faire quelques appels d'urgence ou envoyer quelques messages textes importants. Pour le charger, tout ce que vous allez faire, c'est de brancher dans votre PC pendant 3 heures environ. Et la batterie mobile avec Mist, Handy Mist, comme on dit, est disponible pour environ 43$. Donc, vous envoyez ce spray dans la face. On mélange des choses qui n'ont pas nécessairement à être mélangées. Des fois, ben, c'est ce qui fait le plus de variété dans la vie. C'est ce qui fait qu'on a comme 75 produits jusqu'à maintenant dans la liste à faire en deux blocs aujourd'hui. Maintenant, vous voulez lire un livre, lire l'écran de votre téléphone cellulaire peut-être, ou votre iPad, en étant couché sur le dos. C'est vrai, ça arrive. Donc, c'est des lunettes qui vous permettent de regarder la télé ou autre truc lorsque vous êtes couché. Évidemment, seulement si vous n'avez pas de lunettes de prescription. Donc, pour la majorité des gens qui ont ces lunettes-là, ben, ce serait complètement inutile. La seule... c'est ça. Ben, ouais. Donc, c'est... Il n'y a absolument rien à dire de plus que ça, mais le lien est sur assemblagerequis.com. Donc, des lunettes sont disponibles sur Amazon.com pour le prix de 7,57$. C'est le fun de lire et regarder la télé au lit. La solution parfaite pour les gens qui ont une mobilité réduite. Vous avez quelqu'un dans votre quartier, peut-être, ou au travail, qui a de la difficulté à se stationner. Il se stationne pas dans les lignes, il se stationne croche. Vous êtes tanné de le voir. Vous voulez les récompenser de façon passive-agressive. Tu sais, des fois, c'est une façon qu'on utilise dans la vie d'être passif-agressif, c'est-à-dire essayer de faire passer un message en étant gentil, mais clairement, c'est comme une pin que vous faites. T'sais. Ici, on va un petit peu plus loin, parce que c'est un ruban bleu, comme les rubans dans les concours de plus beau chien, plus bel animal de compagnie, ou peu importe, plus beau cheval. Mais à la place, c'est écrit dessus « First Place Asshole Parking ». Hein? Le meilleur des stationnements de trou du cul pour 8,29$. Ça mesure 6 pouces de diagonale. C'est en satin. Avec une belle petite bordure en rosette qui vous permet d'être créatif avec une variété de couleurs et de styles. Encore une fois, 8$. « First Place Asshole Parking ». C'est un Customized Message Ribbon, qu'on appelle. Ensuite... C'est la Power-Up 3.0 qui vous donne un petit peu plus de contrôle sur votre avion de papier. Donc, vous avez fait un avion avec votre feuille de papier de couleur, peut-être rouge dans ce cas-ci. C'est très joli. Donc, vous êtes super geek et vous voulez choisir le chemin de votre avion. Hein? Donc, c'est le Power-Up 3.0. C'est un gadget à 50$ disponible chez Thingy qui permet 10 minutes de contrôle de votre vol après une charge de 20 minutes par USB. Vous pouvez aussi contrôler la petite hélice via votre téléphone cellulaire, choisir le degré d'ascension et de descente. Tout ça est contrôlable, mais le mécanisme pour tourner n'a pas encore été incorporé, ce qui aurait été quand même bien, mais ce ne l'est pas. Donc, c'est vraiment, vous faites un avion de la façon qu'il vous le dit. Qu'on vous dit. On parle comme ça. Alors, on branche ça par USB, on le recharge, ensuite on installe le gadget sur l'avion. L'hélice fait tout fonctionner ça. Et c'est cool. Thingy en plus, une belle place. Ensuite, on va y aller avec ça. Pourquoi pas vous donner à votre briquet un petit peu plus de jus en ajoutant une torche. En utilisant le Lighter Blowtorch Attachment, une fois attaché sur le dessus de votre briquet, ça va créer une torche. Donc une flamme piquante, tu sais, en triangulaire. Qu'est-ce que ça se dit pas? Donc ça peut se rendre à des températures de 2300 Fahrenheit. C'est pas n'importe quoi, le 2300 Fahrenheit, pour 19,95$. On dirait que je le crois pas tellement c'est élevé, ça, 2300 Fahrenheit. Mais on sait ce qu'il dit, c'est 23,95$ sur Amazon.com en ce moment. Les critiques sont quand même... je dirais très bonne. 4,2 étoiles sur 5 avec 51 usagers qui ont voté pour ça. Ensuite, c'est un étui pour téléphone cellulaire intelligent. Ça s'appelle Print, P-R-Y-N-T, qui transforme votre téléphone en Polaroid. Donc, les jours où on faisait imprimer des photos sur du vrai papier physique pour les tenir dans ses mains. Mais Colin, c'est terminé. Ça veut pas dire qu'on doit tout perdre dans la transition. Il y a un certain élément magique lorsqu'on envoyait des photos. En papier, en carton ou peu importe. Donc c'est vraiment cool. Après avoir pris une photo directement, hein, tu sais, en temps réel, la nostalgie de la chose du Polaroid. Donc on transforme notre téléphone cellulaire pour faire à peu près la même chose avec Print. C'est un étui pour appareils Android et iPhone. Ça va contenir une petite imprimante où il y a 30 feuilles de papier. Donc, le prototype présentement prend 50 secondes pour faire imprimer une seule photo. On espère que d'ici ce que tous les éléments vont être bien intégrés, qu'on va pouvoir descendre ça environ 30 secondes de durée avant d'avoir la photo. Print donc est d'une compagnie, une start-up française qui cherche de l'argent présentement et qui prévoit démarrer un Kickstarter au début de l'année 2015. Donc on s'entend à avoir d'autres détails sur ce produit-là dans les mois à venir. Et on s'attend aussi à ce que ce soit disponible pour environ 99$, qui est quand même assez abordable. Pour l'instant, c'est pas très beau à regarder comme produit, mais bon, tout ça va s'améliorer avec le temps. Ensuite, on continue avec vos magazines. Une autre affaire qui est sur le chemin vers l'oubli complètement, c'est les magazines. Mais si vous en avez, que vous ne les lisez pas tant que ça, ou encore même si vous les lisez, mais vous n'avez pas besoin de les avoir dans une bibliothèque, qui prendrait tout plein de place, à la place, on peut s'asseoir dessus. C'est le Hockenheimer Magazine Stool. Donc, pour recycler vos magazines déjà lus, peut-être, d'une façon complètement originale, c'est NJ Studio, voilà, et leur Hockenheimer Magazine and Newspaper Stool. Ces kits-là, donc, c'est des ensembles avec quatre... C'est une base de banc, oui, en bois, à quatre pattes, deux ceintures personnalisées de cuir et un coussin. Donc, vous devez remplir le vide entre le coussin et la base en achetant que des magazines ou encore des journaux. Donc, vous pouvez en mettre plus, en mettre moins pour avoir précisément la hauteur que vous voulez. Évidemment, on laisse ça le plus loin possible de votre calorifère ou foyer. Hein? Mais non, c'est quand même bien. Les ceintures sont ajustables. Dans le fond, t'as juste la planche, si on veut, qui va en dessous de la pile avec quatre pattes. Et le coussin va sur le dessus. Entre, tu mets la hauteur que tu veux le magazine et la ceinture vient attacher le tout à la verticale. J'adore les arcades. J'espère que je me fais comprendre et que je fais pas rire de moi. J'adore les arcades. J'aimerais pouvoir y retourner parce qu'il n'y en a pas dans le coin. Mais, Colin, j'aimerais pouvoir acheter ça pour 2995$. C'est une machine d'arcade à la maison. Rapprochez-vous un petit peu de vos rêves en installant votre propre machine d'arcade avec 120 jeux old school comme Asteroid et Space Invaders dans une seule machine, une seule bête avec les joysticks. 6 boutons de chaque côté, donc il y a 12. C'est ça, oui, ça fait 6 boutons, donc 12 en tout. Plus les joysticks, plus un milieu avec des flèches, plus un gros bouton rouge pour partir la partie. C'est vraiment super cool, 3000$ environ. Et on va terminer avec un dernier gadget. C'est un bouton qui peut être utilisé avec votre téléphone cellulaire pour contrôler vos applications préférées. Donc, si vous avez déjà utilisé une interface de touchscreen, une interface tactile dans la voiture, vous savez que un bouton physique, c'est pas mal plus pratique qu'un écran tactile parce qu'il faut tout le temps regarder l'écran. Donc, c'est Flick qui prend cette façon de penser-là et qui applique ça à peu près n'importe quoi. Donc, Flick, c'est un petit bouton de caoutchouc, la grosseur de 25 cents. En utilisant une application, vous allez pouvoir lui assigner plusieurs fonctions et éventuellement, les inventeurs espèrent pouvoir le lier à d'autres appareils, d'autres applications, d'autres services parce qu'évidemment, il faut se parler pour pouvoir avoir le code pour que le bouton fonctionne. Donc, si vous avez peut-être une maison intelligente avec des appareils intelligents partout, les prises de courant, les lumières, donc vous pouvez faire baisser ou allumer les lumières, lancer peut-être Netflix avec un seul bouton. Si vous joguez la nuit, ça pourrait être un bouton de panique. Vous pourriez le configurer pour envoyer votre localisation et un signal de détresse à un ami si jamais il y avait des problèmes. Donc, vous pourriez faire un paquet de choses juste en appuyant sur un bouton de caoutchouc. Je trouve ça vraiment fantastique. Il y a un article super long et rempli de détails sur assemblagerequis.com. Donc, allez voir ça. Le lien sur le site. On a une autre partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. Je vous le promets. Avant ça, par contre, on prend une petite pause au retour. Ce sera Marie-Laurence Audet et la chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Alors restez avec nous, vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 3 décembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui. Malheureusement, je suis déjà rendu à la moitié de ma sentence d'émission seule. Non, c'est pas vrai du tout. J'ai du plaisir. Pour avoir encore plus de plaisir, je pense que ça va probablement aider dans mon processus aujourd'hui d'avoir Marie-Laurence Audet. La voici avec la chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Mmh. Marie-Laurence Audet, bonjour. Bon matin. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, j'entends dire que tu t'envoies une formation de clown. Oui, mais ça n'a pas rapport avec mon sujet. Non, je sais, mais c'est drôle d'en parler, j'aime ça. Ah, c'est drôle. Je trouve ça original de connaître un petit peu ta personne. Oui. Un minimum de plus. Mais non, on parle de choses divertissantes. Oui. Mais ça fait pas aussi peur que les clowns, parce qu'il y en a qui ont peur des clowns. Ça fait pas peur, les clowns. Non, mais faut pas avoir peur de ta chronique, c'est ça que ça veut dire. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? En fait, on va parler de l'activité physique, le sport et les jeunes. OK. Puis, dans le fond, c'est un article scientifique qui a été rédigé par le ministère de l'Éducation. Je trouve ça intéressant parce qu'à travers la chronique que je vais vous parler, je vais faire aussi référence des fois avec des questions qu'on se pose par rapport à eux. Okay. Fait qu'on jase un matin. On discute, on discute. En fait, je vous apprends rien que c'est une réalité, une problématique intemporelle. Aussi, quand on parle de la condition physique, d'obésité chez les jeunes... et tout. Puis là, les saines habitudes de vie dans les médias, là, je vous apprends rien, on en parle ouais. Depuis des années. Participation, comme on dit. Participation, hein, c'est un organisme. Oui, exact. Puis qu'est-ce qui arrive, dans le fond, c'est que l'étude mène autant, bien, vous informe sur le contexte de la situation, des fois, il y a des éléments qu'on connaît déjà, mais il voulait parler aussi des éléments inédits concernant ce sujet-là, qui, des fois, tu réalises bien des choses après ma chronique, en fait. Ah ouais, OK, on va écouter oui. Comme il faut. On écoute... En fait, c'est que, premièrement, on associe rapidement tout ce qui est activité physique comme la solution pour ce qui est hypertension, diabète, problème d'obésité, problème de santé. Mais est-ce que c'est vraiment la solution ou la seule solution? Est-ce qu'il y a des pilules à prendre? Est-ce qu'on peut... Oui, on n'insiste pas sur ça. Les pilules non? Le matin. Ouais. Mais des fois, c'est qu'on est porté à rapidement penser que c'est la seule solution quand au final, il y a peut-être d'autres alternatives. Puis aussi, les bienfaits, on pense souvent qu'ils sont juste... physique, ah, je suis plus mince, ah, je suis plus... Tu sais, je me sens mieux dans ma... Tu sais, ouais. Ben, c'est au-delà de ça, tu sais, c'est se sentir mieux dans sa peau et plein d'éléments que je vais vous mentionner tout à l'heure. Génial. Donc, tout d'abord, avant que je t'énumère les bienfaits de l'activité physique et du sport, c'est comme un quiz, Mathieu, avant. Commence par les désavantages, genre, non, ça fait mal aux genoux, puis non. Ça fait mal aux genoux, c'est pas ça que je veux parler à matin, là, c'est positif comme chronique. OK. Mais moi, je veux savoir, essaie de m'énumérer les bienfaits du sport puis de l'activité physique chez les jeunes. Ça doit relâcher une certaine, je sais pas si c'est endorphine ou autre fine, quelque chose comme ça. Donc, ça doit, ton cerveau doit être déjà comme plus en forme, puis a envie d'en faire plus, parce que ton corps en action va mener vers encore plus d'action, je sais pas, OK? Ensuite, bon, c'est sûr que ça va faire que tu vas peut-être avoir plus de muscles, peut-être. Tu vas être plus musculairement avancé parce que tu vas faire, mettons, du vélo, puis ça va faire activer certaines affaires que tu n'aurais pas activées en faisant juste rester sur ton divan à te toucher. Heure de grande écoute, Mathieu. Comment? Excuse-moi, ouais. Les enfants sont réveillés. Les enfants, ils font pas ça. Okay. Ensuite, qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça fait pousser les cheveux, je pense. Ah oui. Non, je sais pas. Il n'en parlait pas aujourd'hui. Non. ça fait que tu sues, donc tu élimines des toxines dans ton corps. Je dis n'importe quoi. Là. Ce matin, Mathieu est en feu, mes amis. Hey, t'aurais dû m'écouter à 7h35 tantôt quand j'ai fait la pire chronique de ma vie. Oh, qu'est-ce que t'as dit? Le soir. OK. Les enfants sont à l'écoute, on dira pas. Ah, on peut plus. Ben, en fait, les éléments qu'il parlait dans la recherche, il disait que premièrement, au niveau de l'humeur, le fait d'être actif, d'avoir des saines habitudes de vie, ça transparaît. T'es plus heureux, t'es mieux dans ta peau, ton estime de soi... Ton estime de soi, de toi... Attends, je vais l'avoir. L'estime de toi est plus élevée parce que tu te sens mieux dans ta peau. Ouais. L'image, tantôt tu parlais du physique, reste que t'es plus mince, tout qui est relié à l'estime de soi et tout. C'est vraiment un cercle vicieux. Positif. Puis, diminution de stress, diminution de l'anxiété, diminution des symptômes de dépression... Donc, on voit vraiment des effets bénéfiques et positifs. Puis, il y a un élément intéressant que je trouvais qui était mentionné dans l'article, c'est que il y a une grosse base, en fait, sur les bienfaits de l'activité physique qui se développe avant la puberté chez le jeune. On est porté à se dire, trop jeune, ben ça va nuire dans son développement, fait qu'on va attendre plus tard pour quand il sera à l'adolescence pour commencer à faire du sport. Non, faut que tu commences jeune. Là, attends, je vais mettre les choses au clair. Tu commences jeune à ce qu'il soit actif, en santé, qu'ils fassent du sport, qu'ils fassent des activités qui bougent, parce que sa masse osseuse qui est en développement va en être, dans le fond, directement touchée. Fait que le fait que sa masse osseuse soit mieux développée, c'est une diminution de possibilité de cancer, c'est des gens plus en santé qui vont avoir un impact sur leur vie adulte. Mais on parle pas ici de surentraînement du jeune de 7 ans qui devrait aller s'entraîner au gym, puis on parle pas non plus de sport compétitif qui, selon moi, quand ça commence trop jeune, peut avoir des effets négatifs aussi sur le jeune. On le voit par exemple en gymnastique. Quand les filles, parce que tu peux pas commencer la gymnastique à 15 ans, ta carrière est finie. Là. Ouais. Ils sont recrutés, ils ont comme 5-6 ans, puis ils ont comme un potentiel de développement. Mais on a vu aussi des effets négatifs, comme par exemple, ils grandissent moins. Puis il y a des éléments comme ça qui ont un impact sur leur développement physique. Ah. Fait que là, je parle pas d'un surentraînement. Juste que les enfants soient actifs, qu'ils fassent du sport, qu'ils jouent dehors. qui bouge. Parce qu'un enfant inactif fait un adulte inactif et j'en suis le premier concerné. Donc. Mais oui, il en fera pas, mais c'est aussi, comme je te parle au niveau physique, puis des problématiques futures de sa santé. Le fait d'avoir une masse osseuse mieux développée jeune va avoir une meilleure santé physique aussi plus tard. Il parlait aussi que les recherches souvent essayaient de démontrer un lien entre la pratique d'activité physique, les compétences sociales, les saines habitudes de vie. Mais ces recherches-là sont pas autant béton que les recherches qui portent vraiment sur les bienfaits tout court de l'activité physique. Souvent, les chercheurs sur le sujet ont trop essayé de faire de liens qui finalement se sont un peu perdus à travers ça. Les bienfaits sont là. Les bienfaits, on en a parlé tantôt, puis je continue d'en parler tout au long de la chronique. C'est sur ça qu'il faut axer. Il faut essayer de pas juste faire des liens sur tous les éléments autour du jeûne. Ouais. Puis, il y avait un élément, ça, je trouve ça vraiment intéressant, là, qui disait que l'augmentation du temps de cours d'éducation physique était bénéfique pour les jeunes. Même si à l'école, durant sa journée, durant sa semaine, le jeune était moins axé sur d'autres matières, les mathématiques, l'anglais, le français, parce qu'on décidait qu'il y ait 3 heures d'éducation physique au lieu d'une heure, ça en était juste positif parce que le fait de le faire bouger, le fait de le rendre actif, développait non seulement son estime de soi, son autocontrôle, ses compétences sociales, son sentiment d'appartenance envers l'école, mais il lui permettait aussi une prédisposition à l'apprentissage qui fait que, suite à son cours d'éducation physique, il était déjà plus attentif dans la classe et l'information était mieux captée. Mmh. C'était aussi, ça a l'air un peu contradictoire de dire que c'était un moment de relaxation, mais ça travaille des aspects différents du cerveau. Au lieu de concentrer les jeunes pendant 8 heures sur la même chose, si on peut le séparer d'une période où est-ce qu'il peut changer les idées, un peu le principe d'une récréation ou d'une pause, ça fait juste du bien, puis ça, ça a été prouvé. Sauf que là, moi, je trouve ça ironique que c'est la, en fait, les écrits que j'ai lus sur ce que je vous parle ce matin étaient rédigés par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, qui, eux, mentionnent que l'augmentation du temps en cours d'éducation physique est positive, mais avec leur réforme, les jeunes font moins de sport. Ouais, c'est un peu ironique, hein, finalement. Avec leurs subventions coupées dans les écoles de sport-études, on encourage quoi, au final? Fait que je trouvais ironique l'aspect ce matin de la recherche qui était subventionnée par eux, qui était rédigée par eux, pas juste subventionnée, là, rédigée par eux, mais qu'au final, entre la théorie et la pratique, il y a un manque, là. Moi, je sais pas, je connais pas assez en politique pour. Je m'y connais pas. Tu sais, à savoir si peut-être que c'est pas nécessairement eux qui avaient pris ces décisions-là, ils ont juste eu moins d'argent de peu importe qui d'autre, puis après ça, ils devaient couper en quelque part, puis ils ont décidé de le faire là-dedans, puis c'était à contre-cœur, peut-être, je sais pas. Mais trop. Pour non, là, on jase, c'est des opinions ce matin, là. On met pas. Ben oui, on remet en question, mais c'est des opinions. Je suis un moron complètement. Voilà. Je connais rien. Mais en fait, c'est que je me pose la question, tu demandes peut-être qu'ils ont eu moins d'argent de quelque part, d'une subvention, c'est au-delà des autres niveaux politiques. OK. Ça explique, par exemple, pourquoi la subvention pour, par exemple, des écoles de sport-études serait diminuée. Mmh. Mais quand on parle de que ton jeune, dans sa semaine, ait une heure de plus de cours d'éducation physique par jour ou deux, mais pas par jour, attends, je recommence ma phrase, qui, au lieu d'avoir un cours d'éducation physique par semaine, en ait deux. Ouais. Au lieu que le cours dure une heure, elle dure 3 heures. Ils sont où, la différence de subvention? Je sais pas. T'sais, non, mais tant qu'à jaser de subvention et d'argent, je lance des questions ce matin. Nos auditeurs peuvent nous appeler. Oui, bien sûr, sur la hotline. Leur opinion. Mais non, c'est des pas. Éléments que, avec la lecture que je me posais, que je remettais un peu en question, en fait, que j'aurais aimé avoir ce matin avec nous quelqu'un du ministère qui puisse m'expliquer. Mais tu sais, ça fait penser, mettons, tu sais, puis là, encore une fois, on jase, puis l'exemple est sûrement super mauvais, mais ça fait penser un petit peu à Radio-Canada qui va dire, tu sais, on va couper telle affaire, mais regardez ce que ça fait, là. Et on fait ça pour que la population chiale, pour que ça se rende à au-dessus d'eux, disons. T'sais, c'est peut-être un petit peu la même chose. Oui, mais contrairement à d'autres aspects dans la communauté, dans la société, là, on hypothèque une génération. Exact. On hypothèque pas juste. Les émissions de TV. Quoi que c'est la culture, puis c'est d'autres éléments c'est ça, importants. Ouais. Mais là, tu hypothèques une génération qui, dans leur développement, vont représenter des problématiques futures qui vont peut-être juste coûter plus cher au système de la santé. Peut-être. Tu sais, tous ces éléments-là, là, si on fait des liens à un moment donné, est-ce que c'était vraiment la meilleure solution? T'sais? Peut-être qu'on essaie, tu sais, on aime ça les Américains, nous autres, au Québec et au Canada, peut-être qu'on essaie de les imiter, tu sais, on fait ça, nous autres. Ça doit peut-être être qu'on ça. Veut devenir gros comme les Américains parce que c'est à la mode. Je veux gros. Être grosse. Donc, ça, c'était mon petit questionnement concernant les cours d'éducation physique. Il parlait aussi que... Ah, ça, je vous en avais parlé tout à l'heure concernant les bienfaits qui étaient au niveau de la masse corporelle, de la masse osseuse, qui, dans le fond, avant la puberté, donc enfance, début d'adolescence, si on pouvait inciter le jeune à pratiquer. Parce qu'il mentionnait que les jeunes qui avaient pratiqué dans l'enfance, ça, je vous parlais d'un développement meilleur et positif au niveau de leur situation osseuse, mais ils ont aussi remarqué que le jeune qui pratiquait dans son enfance un sport puis qui arrête, les bienfaits s'estompent. Là. Ah. Pour continuer. L'effet osseux qui va être développé va être là. La diminution de possibilité de cancer va se maintenir. Mais le jeune qui était actif jeune pour se dire « Ah, ben c'est pas grave quand il était jeune. » Non. Il y a des éléments positifs que dès l'arrêt de la pratique, s'arrête aussi. Fait que ça, il faut faire attention. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il disait, tant qu'à faire en sorte que le jeune continue, peut-être éviter le surentraînement, puis dans un seul sport, l'over-compétition qui fait qu'à un moment donné, il arrête puis t'es écœuré. Ouais. T'es mieux qu'il, toute sa vie, soit actif, à un plus bas niveau, mais qu'il bouge, fasse de quoi. Fait que tant qu'à ça, trouver lui quelque chose qu'il aime. Et c'est de là qu'il disait, en tant que parent, en tant que professeur, vous avez le devoir de les faire bouger. Donc, non seulement de les initier à différentes activités pour leur faire découvrir des éléments qu'ils connaissent pas, parce que c'est pas à 15 ans que tu commences à regarder les sports qui existent puis tu te dis « Ah, je pourrais en essayer un. » C'est quand t'es petit puis tu touches à tout puis t'essayes tout. Puis, pour que les jeunes aussi soient intéressés à continuer, souvent, c'est une question d'estime de soi, donc de considérer qu'ils ont l'habileté puis les compétences. Fait que le parent doit développer ces compétences-là plus jeunes pour que le jeune se sente apte à continuer. Sinon, dans les différents éléments dont je vous parlais ce matin, qu'il y a des éléments qu'on connaît concernant le sport, l'activité physique, mais il y a des choses qui ne sont pas sorties autant dans les médias que le reste. Premièrement, les bienfaits ne sont pas juste physiques. T'sais, il y a des bienfaits mentaux, ouais. L'estime de soi et tout ça, je vous en ai parlé. Que chaque sport, chaque activité physique a des bienfaits. Par exemple, il y en a un qui est plus axé sur le développement moteur de la personne. Il y en a un qui est plus axé sur le développement social. Mais il n'y a aucun sport qui regroupe tous les bienfaits. Fait que d'arrêter d'essayer de trouver que notre sport est meilleur que l'autre, là, chaque sport est différent. Puis il n'y en a pas un seul qui regroupe tous les éléments de bienfaits. Fait que ça, c'est jamais sorti, mais c'est intéressant. Puis, il n'existe aucun seuil suffisant d'activité physique. Des fois, on est porté à dire « j'en fais-tu trop? » À part le fait de peut-être être plus raqué le lendemain, il n'existe pas de seuil maximal. Joue au bille, je suis raqué. Ce serait dangereux. Ouais. Après, c'est tous les éléments entourant ça. Quand on regarde, mettons, le monde qui se surentraîne, c'est qu'il n'y a pas juste l'entraînement. C'est plein d'aspects de leur vie qui, des fois, qui sont trop intenses. Mais c'est l'activité obsession, physique, là, la pratique, t'en feras jamais trop. Autre élément... Donc, comme je disais tantôt, c'est mieux une pratique quotidienne, moins élevée, mais en continu, parce que sinon, les bienfaits s'estompaient. Puis, les jeunes, quand ils pratiquent, il y a plusieurs éléments, dans le fond, qui influencent, qui vont continuer, qui vont commencer ou autre. Premièrement, qui croient en leur capacité, comme on en a parlé tantôt, qui commencent jeunes pour l'initiation et l'expérience. Il y a tout l'environnement social, politique, culturel qui va avoir un impact, parce qu'on parle, par exemple, d'accessibilité. Si le jeune... il n'a pas accès à une place où il peut aller pratiquer. Si le jeune n'a pas les moyens financiers pour pratiquer, ben, il les essayera pas. Sinon, toute l'approbation de l'entourage, si tu dis « ouais, mais c'est parce que t'es une fille, t'es pas supposée de faire ce sport-là », ben tu l'arrêtes jeune, c'est pas vrai qu'elle va commencer à 15-20 ans. Mm-hmm. C'est tout le mental puis le développement de la personne dès l'enfance. Puis tout le niveau social qui a un gros impact dans le fond. On le voit beaucoup dans le milieu féminin. Si on veut que les filles continuent à faire du sport, c'est dire, OK, gars, on va faire une activité physique, mais qui se termine quasiment par un 5 à 7. C'est pour les jeunes, là. Mais les filles ont besoin de se retrouver entre elles dans l'équipe, puis de se jaser, puis parler de leur fin de semaine. Fait que prévois un temps, on s'entraîne, puis après on jase. Mais pas juste on s'entraîne, puis on retourne chez nous. Ouais. C'est important à prendre en considération dans le développement. Et sinon, il y a des chiffres qui font un peu peur, qui disent que lors de l'adolescence, le tiers des jeunes vont arrêter un des sports qu'ils pratiquent. Ah ouais. Et dans ce tiers-là, il y en a un tiers qui arrête complètement l'activité physique. Donc ça, là, l'adolescence, c'est une période vraiment charnière par rapport à ça. C'est là où la fille se sent, par exemple, moins bien dans sa peau qu'elle se sent « Ah, ben là, c'est parce que je suis grosse, je suis chat comparé aux autres. » Et là, si elle arrête là, c'est pas vrai qu'elle va recommencer. Fait que cette période-là est une tranche où est-ce que le parent, l'entourage, l'entraîneur, le professeur peut faire une différence. Donc, tout valoriser ça. Puis, ça, je l'ai mentionné tout à l'heure. Dans le fond, comme je disais, il y a plusieurs acteurs influents sur le sujet. Il y a les parents, il y a l'entraîneur. Mais il y a les responsables municipaux aussi qui auront un rôle très influent à jouer, puis je trouvais ça intéressant. Premièrement, il faudrait qu'ils évitent de centraliser les installations. Dans un petit village, qu'il y ait un centre des loisirs, qu'il y ait un centre sportif en plein milieu, tout le monde peut y avoir accès. Ouais. Si à Montréal, tu mets un seul centre sportif en plein milieu de l'île, ça se peut qu'il y en ait plusieurs qui ne puissent pas se rendre parce que le transport en commun, parce que la distance pour s'y rendre, ben, va faire en sorte qu'ils n'ont pas le temps dans leur journée. Donc, les responsables municipaux, ce serait de dire on fait plein de petits lieux où est-ce que les gens peuvent le pratiquer plutôt qu'un seul gros centre sportif en plein milieu. Puis les parcs, on a remarqué qu'il y a beaucoup de pratiques d'activités là. Donc, c'est de l'encourager aussi parce que des fois, les gens n'y pensent pas. Mais tu peux aller courir au parc, tu peux aller... On a vu aussi, je sais pas si t'étais au courant, là, dans certains parcs, il y a du monde qui font de l'elliptique et il y a différents appareils d'entraînement qui ont été mis là. Ah oui, à Trois-Rivières-Ouest, près du pont. Mais pas juste à Trois-Rivières, dans différentes places, c'est okay. Là. Fait que ça a été vraiment bon. Ouh, ouais, c'est une bonne idée. De soutenir l'action bénévole parce qu'il y a beaucoup de milieux sportifs, pas compétitifs, là, mais tu sais, pour la pratique libre et tout, où est-ce qu'il y a des bénévoles qui interviennent. Promouvoir tout ce qui est lieu bleu, vert, blanc. Tu sais, quand on est petit, là, les camps verts, les camps blancs avec l'école, là. Ouais. C'était une sortie neige, c'était une sortie en parc nature. Oui. Les camps bleus, c'est quand tu vas sur l'eau. Donc, de faire la promotion dès la jeunesse de ces différents lieux, de ces différentes possibilités-là. Parce qu'un jeune averti va être celui qui va pratiquer plus tard et qui va le transmettre familialement. Donc, c'est vraiment un cercle à encourager. Puis aussi, en tant que responsable municipal, de prévenir certaines problématiques sociales par le biais du sport. On voit que les jeunes traînent dans la rue, qu'il y a des problèmes de drogue, des problèmes de décrochage. On peut-tu les occuper? On peut-tu les occuper de quelque chose qui les intéresse, mais qui en même temps va avoir un bienfait sur eux? Parce que le jeune qui va se mettre à jouer au basket dans son coin qui est peut-être un peu plus défavorisé, ben peut-être qu'il fumait, sauf que là, il réalise que quand il fume, il y a moins de cardio puis il est moins bon dans l'équipe. T'sais, des fois, c'est des éléments où il se fait des amis puis là, il traîne plus dans la rue pendant ce temps-là. Fait que c'est les éléments à prendre en considération ce matin. Ouais, c'est génial tout ça. C'est parfait ça. Marie-Laurence Audet, oui. Ça connaît que le loisir bien plus qu'un jeu. On te retrouve la semaine prochaine. Oui. Toujours les mercredis à 8h30. Oui. Beau travail comme toujours et bon Kerkun. Merci. Salut. Ça va être bon ça. Bonne journée à toi. Dans quelques instants, on va continuer le 5 semaines, ça devrait répondre là. Mais avant ça, on a une dernière nouvelle entrée à entendre cette semaine. Il y en avait 4 en tout. Donc la dernière, c'est celle de Hero Zeta sur leur album Second Sight. Voici Kintsu Kuroi. Genre, si on veut. Ah, ça m'a joué. C'était une nouvelle entrée de Hey Rosetta, la pièce Kintsukuroi à Assemblage Requis. Oh, on est rendu à la prochaine pause. Au retour, ça va être la dernière chronique de l'émission, c'est-à-dire une deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a à Assemblage Requis sur C'est fou. Restez là. D'exploration. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89. C'est fou. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on est toujours à Assemblage Requis. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui, mais moi, c'est Mathieu Plante. Oui, il y a 9h02 environ. Il nous reste une dernière petite partie d'émission, une dernière semi-demi-heure dans laquelle on va faire sexe. Ça ne devrait pas, on l'a. Alors, deuxième partie. Mais avant ça, une pièce du palmarès francophone, c'est par Bernari et ça s'appelle Kryochkova. Tantôt, j'avais la misère à prononcer Kintsukuroi. Donc là, je me suis dit, moi, continue dans le même sens, Kryochkova. Des affaires imprononçables. C'est le même. J'ai fabriqué C'était Bernari et Kryushkova sur l'album Bernari. Assemblage Rookie. C'est sur le palmarès francophone, bien sûr. Tantôt, on a parlé de gadgets en début d'émission. On a fait ça pendant un petit bout de temps. C'était bien plaisant. Donc, continuons. Voici une deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets inutiles achetés sur Internet. Commençons avec un produit québécois dont j'avais pas encore entendu parler. C'est les souliers qui se lassent eux-mêmes. Hein? Tu sais, on veut être tous dans le retour vers le futur avec les hover, etc., etc., en dessous de nos pieds. Mais Colin, on n'a pas encore de façon d'attacher nos souliers tout seul. Tu sais, on a le hoverboard, là, ça s'en vient. Ça. Mais donc, Saint-Hubert, une ville au Québec, des gens de Saint-Hubert, une start-up là-bas qui a créé les souliers Power Lace, qui utilisent un mécanisme interne qui est propulsé par la personne qui porte le soulier pour automatiquement lasser les souliers à une tension prédéfinie. Vous insérez votre pied, vous appuyez sur votre talon avec votre pied et les lacets se serrent. Hein? Donc, insérez votre pied, ça va activer le mécanisme qui va le donner, qui va mettre la tension désirée qu'on a programmée à l'avance. La tension des lacets peut être ajustée séparément en bougeant un truc aussi. Il y a une affaire, un bouton, je ne sais pas trop quoi, pour contrôler ça. Donc, c'est une semelle en polyuréthane qui va soutenir ce mécanisme-là. Le système de levier qui est contrôlé dans le soulier. Donc, c'est ça, c'est sur Kickstarter avec 175$ en ce moment pour avoir votre propre paire. Moi, je vois plus des genres de sandales sur les photos ici. Donc, je sais pas si... j'ai vu les souliers en haut en photo aussi, donc j'imagine qu'il y a des souliers et des sandales. Mais bon, je suis pas plus renseigné que ça. Allons-y avec un rack, un socle pour iPad qui est fait à partir de vieux chemins de fer. Donc, c'est un vieux morceau vieux de plus de 100 ans. Qui vient de Louisville et de Nashville. Pas mélanger les deux ensemble. Donc, Rail Yard Studios, basé à Nashville, prend des morceaux de vieux rails de chemin de fer et les change en socle de tablette utilisé pour afficher un iPad, un Android ou n'importe quelle autre sorte. Donc, tout ça pour une tablette soit complète, normale ou petite, en mode portrait ou en mode paysage. Donc, c'est complètement vrai. Il y a les genres de gros clous dessus. Là. Donc, vous pourriez facilement graffiner la finition de votre tablette si vous n'utilisez pas d'étui. Mais donc, vous allez avoir droit à l'étui de votre choix lorsque vous achetez un de ces stands de Griffin Technology, qui est partenaire de Railyard Studios pour vendre le Rail Slice et le Rail Artifact Tablet Stand. Les deux sont à 130$ chez Griffin Technology et vous pouvez aller voir d'autres créations chez Railyard Studios. Ensuite, pour dormir, vous trouvez l'air sec, vous voulez vous humidifier en général la vie. Donc c'est le Satechi USB Portable Bottle Top Humidifier. Vous voulez pas payer trop cher, vous voulez utiliser une bouteille d'eau que vous avez déjà. Donc, dans le fond, c'est le principe derrière tout ça. Ça rend ça complètement compact. Donc, c'est un humidificateur et un diffuseur d'huile essentielle pour les chauds mois d'été et les froids et secs mois d'hiver. Parfait pour voyager, pour votre bureau au travail, votre table de nuit, peut-être dans la voiture, dans le porte-verre ou n'importe où, là où il y a de l'USB. Vous n'avez qu'à utiliser votre bouteille d'eau, remplir ça d'eau froide purifiée et puis visser l'humidificateur sur le dessus, brancher dans un port USB. Et ça va vous humidifier ça. 16,4 pouces, pas pouces, mais pieds carrés de distance, que ça peut, donc que ça va aider. Donc, vous pourrez en avoir plusieurs peut-être dans la maison. Et en plus, on peut utiliser des huiles essentielles dans l'eau pour utiliser ça comme un diffuseur d'aromathérapie. Ensuite, un étui pour iPhone qui garde vos mains au chaud l'hiver. Hein? Donc, si vous avez déjà essayé de composer ou de taper avec vos doigts complètement gelés, la tâche est complètement futile, ou en tout cas, au moins, ça va prendre plus de temps. Vous allez gaffer, vous allez chialer après le froid hivernal. Donc, vous pourriez avoir des gants avec des trucs capacitifs sur chaque pointe de vos gants. Mais tout ça, ça reste compliqué. Ou vous pouvez encore acheter le Amber Case et complètement éliminer le besoin de gants. Donc, l'Amber Case est fait pour garder votre téléphone sécuritaire par rapport aux éléments. Et donc, on parle de froid et tout ça. Tout en étant aussi un chauffe-main. Ça se connecte à votre appareil téléphone mobile cellulaire via Bluetooth pour contrôler la température via l'application qui l'accompagne. Et vous n'avez pas à vous en faire, il n'y aura pas de surchauffe parce que l'étui est fait en titane avec une couche de fibre céramique aérogel pour isoler votre iPhone de la chaleur. Donc l'étui lui, en tant que tel va être chaud, mais votre téléphone ne chauffera pas plus. Donc la campagne Kickstarter pour le Embercase a été annulée il y a quelques semaines, mais Exum, qui est la compagnie derrière ça, E-X-U-M-M-E, devrait relancer la campagne sur Indiegogo à la place. Je sais pas si c'est une question de règlement sur Kickstarter qui n'ont pas aimé ça, mais donc ils vont aller sur Indiegogo à la place. Maintenant, c'est une façon de prendre des notes sur un tableau blanc, mais à la place, ça va être juste sur un petit film tout mince, si j'en comprends bien. Donc on installe, si j'en comprends bien l'article, oui. Donc on installe ce genre de wrap. C'est comme une petite fine couche et ça va emballer votre bureau, par exemple, d'un tableau blanc, finalement. Donc, il y a un adhésif à l'arrière, un adhésif pas trop collant, donc qui est facile à enlever, facile à appliquer et à enlever, et repositionnable quand vous le voulez. Tout ça sans laisser de dommages à votre meuble. Ça fonctionne avec différents marqueurs, des marqueurs évidemment pour tableau blanc, et c'est ça. Finalement, ça va peut-être vous motiver à faire les affaires que vous avez à faire. C'est pour 29$ chez Kickstarter. Moi, je trouve que l'idée est très très bonne de couvrir son bureau d'un tableau blanc. Évidemment, on écrit à une place où on se mettra pas les points, parce que pour vrai, avoir du crayon de ça tout le temps, ses coudes puis tout ça, ça serait pas le fun. Ensuite, ça s'appelle le Floyd Utility Set. Je trouve l'idée absolument magnifique. C'est Floyd Leg, pour commencer, qui est un outil pour créer votre propre table à partir de n'importe quelle surface. Donc, techniquement, ça n'a jamais été... ça, c'était l'ancien produit. Ça n'a jamais été vraiment fait pour être utilisé sur quelque chose avec quelque chose qui va avoir de la lourdeur, dans le fond. C'était pas solide totalement. Donc, c'est le Floyd Utility Set qui est la suite de ça. C'est un kit qui vous permet de construire votre propre table en utilisant quatre pattes de super industrielles, super solides, avec des pinces pour accrocher à quelque chose. Pieds dans le fond, dessous de pattes en caoutchouc. Donc vous avez qu'à ajouter votre surface pour faire un gigantesque bureau. Une table de cuisine, par exemple, une table de ping-pong, de beer pong. Tout ça pour 290$. C'est de Floyd Leg et le Floyd Utility Set. Les gens sur assemblagerequis.com sont dans une pièce en béton et ont l'air d'avoir utilisé une grande plaque de, je sais pas si c'est de l'acier ou quelque chose comme ça. Donc c'est ce qui leur sert de table avec les quatre pattes Floyd Leg. Tantôt, on a parlé d'un petit bouton de caoutchouc pour votre téléphone cellulaire dans la première partie de cette même chronique. Là, il y en a un autre bouton, sauf que c'est un bouton qui s'appelle le Ditto, qui est de la grosseur d'un 10 cents. Donc, pour ceux qui ne veulent pas acheter de montre intelligente, vous pouvez quand même avoir les avantages à une fraction du prix. C'est un bouton super simple qui ne comprend rien d'autre qu'une batterie, un module de vibration et un module Bluetooth. Ce que ça fait, c'est que ça vous permet de personnaliser quelles notifications vont se rendre jusqu'à votre attention, alors que vous restez sur votre téléphone. Donc, avec l'application, vous pouvez personnaliser la vibration pour vous alerter par rapport à peu près n'importe quoi, que ce soit un téléphone, un message texte ou un courriel. Tout ça va vous envoyer une alerte pour que vous puissiez lâcher votre téléphone et arrêter d'obséder avec ça. Donc, c'est juste un petit bouton tout minuscule avec des notifications. Il y a aussi un traceur de proximité qui va vibrer lorsque votre téléphone sera trop long, loin, voyons, trop loin. Pour 29$, c'est pas mal la façon la moins chère que je connaisse pour rendre votre vie un petit peu plus intelligente. Tantôt, le bouton dont on a parlé, c'était un bouton pour activer des fonctions sur votre téléphone. Et ça, c'est un bouton pour recevoir des notifications de votre téléphone. Voilà. On continue avec... pour ceux qui veulent des pics de guitare, mais qui veulent pas avoir à en acheter, si vous êtes du genre à perdre vos affaires comme moi, mettons. Moi, je suis de ce genre-là. Donc, on va pouvoir se puncher nos propres pics de guitare avec... C'est une genre de carte. On peut utiliser n'importe quelle carte de crédit. Et c'est un poinçon, tout simplement. Donc, on aide l'environnement, on économise de l'argent. Et c'est ça. Vous allez avoir différents sons par rapport à différentes épaisseurs de plastique aussi. Vous pouvez vous les procurer sur Amazon pour 20$. C'est le Pick Punch. Tantôt on a parlé de surface qui ressemblait à un tableau blanc, mais sur une table. Maintenant, on pourrait faire la même chose sur un mur. Transformer votre mur en canevas avec cette peinture pour mur, Dry Erase Board Wall Paint, produit compatible avec tous les marqueurs qu'on efface avec... En fond, vous connaissez ce principe-là. Ça peut être appliqué sur plein de surfaces pour pour un maximum de versatilité. Voilà, à 20$ pour le Dry Erase Board Wall Paint. On va s'arrêter quelques instants. On va faire une dernière partie. On n'arrête pas aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de gadgets. Mais j'avais envie d'entendre une pièce de And You Will Know Us by the Trail of Dead du côté anglophone. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Voici A Million Random Digits, un peu comme les chiffres d'une carte de crédit que vous allez devoir entrer sur Internet. Million Random Digits par And You Will Know Us by the Trail of Dead. C'est numéro 15 anglophone cette semaine dans les panneaux assez fous. On était dans ça existe, ça ne devrait pas. Là, il nous reste un dernier petit sprint à faire. Pour commencer, pour les gens vraiment, vraiment paresseux qui veulent pas se laver les cheveux en dessous de l'eau. C'est tellement difficile de se laver les cheveux. Hein. Donc, c'est des chapeaux. No Rinse, No Shower, Shampoo Cap. Ouais. Donc, ça shampooine et conditionne ou revitalise vos cheveux sans rincer. Vous n'avez qu'à placer le petit chapeau qui ressemble à un casque de bain sur la tête, masser le cuir chevelu et les cheveux jusqu'à ce que tout soit complètement saturé. Ensuite, enlever, sécher à la serviette. Ça laisse vos cheveux tout à fait frais et propres sans aucun dégât et sans aucune eau. On peut aussi le réchauffer au micro-ondes pour vraiment avoir la sensation de chaleur que une douche peut nous procurer. Ou aussi, on peut juste aller prendre sa douche, mais bon. Avec un hard score. Je suis pas convaincu de ça. Pour s'exerciser les mains, si on veut, se faire des exercices de mains pour vraiment avoir de la poigne, si on veut. Gardez vos doigts bien forts, souples et très, comment dire, pour qu'ils bougent bien, pour qu'ils continuent de bien bouger avec cet exercice à main qui s'appelle le varigrip. Hein? Ça aide à renforcer les muscles des mains et ça aide à la dextérité de vos doigts. Donc pour vos avant-bras aussi et vos bras au complet, c'est bon. Donc c'est $9.99 le Very Grip. Un faux test de grossesse maintenant, le monde a besoin de ça apparemment. Y en a qui vont s'en servir comme blague, j'imagine, mais c'est un test de grossesse qui va tout le temps vous dire que vous êtes enceinte. Oh. Ça s'appelle le Right Time Fake Pregnancy Test. Toujours positif, sans besoin d'aucun liquide corporel. C'est marrant. Maintenant, vous pouvez aussi avoir un sac à dos. Tu sais, un sac à dos, c'est bien beau, là, ça se met sur le dos, mais quand t'as rien à mettre dedans, mais que tu veux après ça juste aller peut-être à l'épicerie, ramener des choses en retour, tu veux pas avoir à transporter ton sac complet sur ton dos. On est minimaliste, on veut pouvoir plier son sac et le mettre dans la paume de sa main, en fait, et l'accrocher après un porte-clés. Quand t'as rien à mettre dans ton sac, tu peux l'avoir autour de ton porte-clés, c'est pas magnifique, ça. Donc, si vous voulez pas transporter votre sac de messager, votre sac à dos, votre duffel bag, un genre de sac de sport, ceux-ci sont des sacs pliables parfaits pour ces journées-là. Fait d'un nylon résistant et très, très léger, traité avec du silicone pour qu'il soit résistant à l'eau. Ouverture à double zip, double fermeture éclair, renforcée sur les points les plus faciles à briser. Il y a du renforcement. C'est disponible chez Lee Valley entre $29.95 et $39.95, dépendant du style et de la grandeur, bien sûr. Et on le voit, en plus, le sac est plié dans la main de quelqu'un. C'est quand même assez gros pour la forme de la main. Je dirais que c'était de la grosseur un petit peu plus petit qu'une canette de liqueur. Genre, ou peut-être petit comme une canette de petite canne de liqueur. Tu sais, les petites canettes, là, les petites minuscules à 100 calories, ça ressemble un petit peu à ça. Je dirais de loin comme ça sur la photo. Si vous avez acheté des mitaines pour le four Power Glove, on avait parlé de ça il y a quelques mois, c'était des mitaines pour le four qui ressemblaient à un Power Glove de Nintendo, donc c'était pareil comme le gant avec les petits boutons comme on voit dans le film de Wizard, là, c'était un gant accessoire pour jouer à des jeux vidéo, donc on pouvait l'avoir dans sa main, ça ressemblait à ça, mais c'est une mitaine pour le four. Donc on a maintenant pris sur Etsy, on vend le Glove Power, donc le contraire de Power Glove. C'est une version de ce même produit, le Power Glove pour le four, sauf qu'à la place, il y a des lumières LED en plus. Donc ça enlève, Glove Power enlève les... Attends un peu, est-ce que le gars a commencé... Je pense qu'il est parti avec un vrai Power Glove de Nintendo, non pas avec avec celui pour le four, parce que ça dit qu'il a enlevé les circuits à l'intérieur du gant et a remplacé avec ses propres circuits pour contrôler les 24 lumières LED qui peuvent briller. Donc on peut l'acheter avec des lumières rouges, bleues ou vertes. Et on peut aussi lui donner vous-même une petite couche de peinture de plus au gant pour avoir l'air encore plus cool. Donc le Glove Power sur Etsy pour $150 américains. Il me semble que c'est pas cher pour s'il a vraiment utilisé les vrais Power Gloves de Nintendo. Ça se peut. Mais allez voir, $150, c'est cool quand même. Et on va en rester encore quelques-uns. Je sais pas quand arrêter. Donc, il y a Chris Demino qui a inventé le typewriter Waffle Maker il y a quelques années. L'Internet l'a supplié de vendre ce produit-là. Donc, le défi a été accepté. Chris a ramassé de l'argent sur Kickstarter pour faire une version fonctionnelle de son produit qui appelle le Keyboard Waffle Iron. C'est un four à gaufres. Un four, un petit... une plaque à gaufres. Et si vous mettez de la pâte à gaufres, ça va faire un clavier. Une gaufre en forme de clavier, si on veut. Donc, il y a... c'est ça, attends un petit peu, qu'est-ce que ça dit ici? Donc, il a fait, c'est ça, cette... au début, c'était supposé être une version machine à écrire. Il a enlevé ces parties-là de son keyboard Waffle Iron pour faire quelque chose de plus simple et de moins dispendieux à vendre sur Kickstarter. Vous pouvez donc verser du sirop sur votre clavier et faire beaucoup moins de dégâts que dans la vraie vie pour $60 américains sur Kickstarter. Vous allez recevoir le Waffle Iron comme récompense. Alors, on a des robots qui font tout pour nous, toutes nos tâches ménagères. On peut acheter un robot qui va faire la balayeuse, un robot qui va vider vos trucs, comment on appelle ça dehors, qui ramasse la pluie, vos gouttières, oui, c'est ça. Un robot qui va nettoyer la piscine, un robot qui va passer la mop, un robot tondeuse, il y en a sûrement plein d'autres, mais ce que je savais pas encore qui existait, c'est un robot qui va passer la déneigeuse pour vous. Donc, c'est plus un camion téléguidé qu'un robot. Mais il y a une campagne Kickstarter pour un Super Droid Robot qui vous permet de rester à l'intérieur de la maison et de garder votre robot faire le travail pour vous. Hein? Donc le luxe n'est pas peu cher, évidemment. Cet ensemble va vous coûter $5,700. Sinon, $6,200 pour le Do-It-Yourself Blower. Donc, la version assemblée complètement, c'est ça, parce que d'habitude, c'est des, les ensembles que vous achetez pour attacher à votre propre, j'imagine, appareil. Là, il y a une version assemblée pour 7200 et 8500 $ respectivement. Sinon, pour 2000 $ vous pouvez... C'est tout. 6200 $ ou 7200 $. Il y a plein de prix qui sont en haut de la plupart des budgets, mais quand même. Et pour terminer, tiens, un cadeau parfait pour les accros de Twitter. C'est le DJ et journaliste Ben Gomery qui ramasse de l'argent sur Kickstarter pour le Hashkey. C'est un clavier USB, mais qui ne comprend qu'une seule touche. C'est la touche dièse. Ou comme les gens, des fois, utilisent, pour une raison que j'ignore, je trouve ça tellement laid, le carré. Donc, la touche dièse. Pour faire des hashtags sur Twitter et sur Facebook. J'imagine que les gens aimeraient aussi avoir un bouton like. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, ce n'est qu'un bouton qui est une preuve de concept, donc on peut pas l'acheter. C'est fait en aluminium, pareil comme les MacBooks, donc ça va s'agencer très bien avec votre portable Apple. La version plus tard commerciale du Hashkey va avoir un contour en plastique à la place d'être en aluminium. Ça va être un petit peu plus... moins dispendieux, parce qu'on va pouvoir donner 17 euros ou encore 27 $ américains, oui, sur Kickstarter pour avoir votre Hashkey comme récompense. Si on excède les 24 000 $, on pourrait offrir la version aluminium plus tard et une version Bluetooth aussi qu'on prévoit faire. Pour l'instant, ils sont vraiment très loin du but. Il reste encore 19 jours. On est à 2000... Non, c'est des livres. C'est pas des euros, c'est des livres. 2103 livres sur 15 000 livres. Il reste encore 19 jours. Comme je disais, un clavier avec une seule touche. Voilà, c'est tout pour Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Plus de gadgets la semaine prochaine parce qu'on fait Ça existe les mercredis. Assemblage requis. Nous, ça va être la fin de notre émission pour aujourd'hui. Ah, pas déjà terminé. Sarcasme et ironie. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez à l'écoute. À 11h, c'est Dîner de con. 13h, connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 14h, je vais être de retour avec Jean-Philippe Charbonneau pour les palmarès et fous. À 17h, David Ferron animera Palmarès du monde. 18h, Audiomatique. 19h, les audacieuses. Cifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Je remercie Marie-Laurence Audet pour sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Demain, on va être jeudi. Et les jeudis, aux deux semaines, on a Justine Renaud et sa chronique Justine Pertine. On a aussi Laurent Constantin avec Déchiffrons le campus. Stéphanie Paradis devrait être de retour demain. C'était Mathieu Plante. Merci d'avoir été là. Bonne journée. À demain. Bye.